30e leçon. Chez Monsieur Duclos. L'appartement de Monsieur Duclos est composé de deux pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a 6 étages et une concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrivez dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a 2 beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. Les fenêtres du salon donnent sur une petite cour. Exercice. Ils habitent un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Goûtez ce gâteau, il est délicieux. Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. Je vais acheter un meuble pour ma cuisine. La fenêtre donne sur la rue.